Chapitre 9e. 2-3 secondes s'écoulèrent. Allô, c'est vous, monsieur le professeur? On nous avait coupé, reprit monsieur Serpier. C'est moi, oui. On ne nous avait pas coupé. C'est moi qui ai raccroché, qui ai lâché le récepteur. Mon secrétaire, monsieur Lacloche, qui travaillait dans mon cabinet de travail, vient d'avoir un œil emporté en décachetant une lettre. L'enveloppe devait contenir du picrate de potasse ou tout autre explosif. Envoyez-moi du monde. Ma femme est au chevet du pauvre garçon. J'en termine vite avec vous. Oui, j'ai déchiffré l'inscription. Elle est constituée par des signes hiéroglyphiques, ayant chacun une signification, mais dont l'assemblage ne signifie absolument rien, du moins à première vue. Nous sommes en présence de signes auxquels ceux qui s'en servent attribuent un sens arbitraire. Lorsque vous viendrez, je vous fournirai une explication détaillée. Vous m'excuserez, je vais voir ce pauvre garçon. Mais comment donc, monsieur le professeur? Et je viens moi-même tout de suite, fit monsieur Serpier. Il raccrocha l'appareil et en quelques mots expliqua à Korff ce qu'il venait d'entendre. C'est encore un coup de ces bandits. Il faudrait arrêter ce William Grant, exclama l'inspecteur. Il faut d'abord des preuves contre lui. Nous en trouverons. Je vais dire à Bougenet d'aller chez le professeur Hermann. Je l'y rejoindrai ensuite. Il nous faut avant tout interroger ce piébald. Je vous demanderai, chef, de ne pas le coffrer tout de suite, si possible. Je compte le filer et connaître ainsi ses accointances. À moins que ce ne soit lui qui vous file dans les mains, comme l'a fait Joe Blanquette, maugréa monsieur Serpier. Restez ici, je verrai ce qu'il y a lieu de faire. Jérôme Korff s'inclina sans mot dire. En quelques minutes, monsieur Serpier eut fait venir monsieur Bougenet, son secrétaire particulier, et l'eut mis au courant de l'attentat qui venait d'être commis. Bougenet partit aussitôt, accompagné de deux inspecteurs. Un planton fut appelé et revint immédiatement avec Piébald. Le fiancé de Sonia Argoulian paraissait très calme, très sûr de lui. Une canaille très forte, pensa le chef de la sûreté, après l'avoir considéré pendant quelques brèves secondes. Posément, il l'interrogea sur les circonstances qui avaient précédé son internement, si l'on peut dire, dans la chapelière de William Grant. Piébald répéta les déclarations qu'il avait faites à Korff, et il ne se trompa en rien. Monsieur Piébald, fit le chef de la sûreté, il s'agit maintenant d'être franc. Vous êtes le fiancé de mademoiselle Argoulian, c'est-à-dire un ami de la famille. Or, monsieur Argoulian recevait chez lui William Grant. C'est vous qui me l'apprenez. Moi, je ne connais ce monsieur que depuis aujourd'hui, assura Piébald. Vous en êtes bien sûr. En tout cas, lui vous connaît, puisqu'il vous a enfermé dans sa malle. D'abord, est-ce bien certain que c'est William Grant qui m'a ainsi traité? Il me semble à moi que si c'était lui, il n'aurait pas été assez naïf pour aller faire porter cette malle dans un hôtel où il est connu, rétorqua Piébald, non sans bon sens. Monsieur Serpier sentit le coup. À moins qu'il n'ait eu l'idée d'aller vous reprendre. Ainsi donc, faites attention à ce que vous allez répondre. Vous ne connaissez ni William Grant ni Otto Drôle. D'abord, monsieur le chef de la sûreté, je ne suis pas un inculpé, je crois. Si je le suis, j'ai le droit de ne parler qu'en présence de mon avocat. Et j'ai aussi le droit de savoir de quoi je suis accusé. Tout juste. Vous n'êtes accusé de rien pour le moment, je vous le dis. Et vous refusez de me répondre? Sur quoi? Sur cet Otto Drôle, William Grant. Je ne connais aucun de ces messieurs. C'est regrettable. En tout cas, la justice se souviendra que monsieur Korff a trouvé sur vous ce papier recouvert d'hiéroglyphes. Hiéroglyphes qui seront déchiffrés en temps utile. Vous aurez de la chance si vous leur trouvez un sens, car ainsi que je l'ai dit à monsieur Korff, ce n'est qu'un projet de frise. D'ailleurs, cherchez si cela vous amuse. Et maintenant, je suppose que vous allez me laisser partir. Je suis fatigué et affamé, et je n'ai aucune raison de rester ici. Nous sommes obligés de vous laisser aller, et regrettons seulement que vous n'ayez pu nous fournir les indications que vous nous avez de, que vous que nous vous avons demandées, conclut monsieur Serpier. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, monsieur Korff va vous accompagner jusqu'au cabinet du procureur de la République, où vous pourrez déposer votre plainte. Vous êtes trop bon, monsieur le chef de la sûreté. Ah, j'allais oublier mon portefeuille. Voulez-vous me le rendre? Mais oui, seulement sans votre projet de frise égyptienne, à laquelle j'attache une certaine importance. Votre ami l'architecte pourra vous faire d'autres croquis. En effet, il n'empêche que vous n'avez pas le droit d'agir ainsi. Mais peu importe. Gardez ce papier. Est-ce tout ce que vous voulez? Monsieur Serpier sentit l'outrage que contenait cette dernière phrase, attendu que le portefeuille ne contenait rien d'autre que des billets de banque. Il n'en laissa rien voir et répliqua. C'est tout. Vous êtes libre, monsieur. Et vous, Korff, revenez me voir après avoir accompagné monsieur chez le procureur. Un clignement d'yeux que Piébald ne vit pas souligna cette phrase. Piébald, ayant salué le magistrat, sortit, flanqué de Korff. J'ai le temps d'aller chez le procureur, fit aussitôt le fiancé de Sonia Rigoulian. Ne vous donnez pas la peine de m'accompagner davantage, monsieur Korff. Maintenant, je vais chez moi me reposer, manger, boire, dormir. Demain, je verrai ce que j'ai à faire, et aussi bien si vous êtes pressé, je vous autorise volontiers à porter plainte en mon nom. Je n'ai pas qualité pour cela, monsieur Piébald. Reposez-vous donc bien, et au revoir, conclut Korff. Les deux hommes se séparèrent. Tandis que Piébald se faisait indiquer la sortie des bureaux par un planton, Jérôme Korff, en hâte, gagna la petite pièce qui lui était réservée. En moins de 2 minutes, il eut changé de costume et d'apparence. Ce fut un vieillard voûté qui sortit de la sûreté, juste 20 secondes avant Piébald. Le fiancé de Sonia Argoulian se dirigea à pied vers le boulevard du Palais. Korff, qui naturellement lui avait emboîté le pas, le vit qui se retournait à intervalles fréquents, comme quelqu'un qui craint d'être suivi. Arrivé sur le boulevard du Palais, Piébald héla un taxi. Korff, feignant de courir après un autobus, réussit à se rapprocher suffisamment de l'auto pour entendre Piébald crier ces mots au chauffeur. « Place de la Bourse, et vite, il y a un bon pourboire. » La portière à peine fermée, et le taxi fila à toute allure. Korff appela aussitôt une voiture et ordonna au chauffeur de suivre celle de Piébald. Il put vite se rendre compte que le fiancé de Sonia Argulian avait fait changer la direction de son taxi. Celui-ci, ayant atteint la place du Châtelet, longea la rive nord de la Seine jusqu'au Louvre, puis s'engagea dans le dédale de ruelles qui avoisine le Palais-Royal. Comme il atteignait la rue des Petits-Champs, un embarras de voitures força le taxi de Piébald à ralentir. Korff vit soudain la portière s'ouvrir et Piébald sauter sur la chaussée et s'éloigner, sans que son chauffeur eût rien vu. « Il est fort, le type, » murmura-t-il. Par une des glaces de devant de sa voiture, qu'il avait ouverte, Korff tendit 10 francs à son chauffeur, 2 fois plus qu'il ne lui devait. « Arrêtez, » ordonna-t-il. Et avant même que le taxi se fût complètement immobilisé, il sauta sur la chaussée. Piébald était déjà loin. Korff, cependant, réussit à le suivre. Il le vit prendre la rue Montpensier, disparaître dans la boutique d'un petit marchand de vin, dont la devanture s'ornait d'une énorme grappe de bois doré, toute verte grisée. « Toi, mon garçon, tu vas certainement ressortir de l'autre côté dans la rue Richelieu, où je ne suis qu'une bête, » pensa Korff, qui vivement revint sur ses pas, atteignit la rue des Petits-Champs et descendit rue Richelieu dans la direction de la Seine. Arrivé à la hauteur de la maison où il avait vu entrer Piébald, il se plaça sous un réverbère muni de numéros d'ordre où se tenaient déjà plusieurs personnes qui attendaient le passage de l'autobus. Une dizaine de minutes s'écoulèrent. Par la porte d'entrée de la maison, faisant corps avec celle de la rue Montpensier, un homme sortit, vêtu d'une sorte d'uniforme assez semblable à celui que portent les receveurs de tramway. « Ça, c'est mon paroissien, » pensa Korff, bien que l'individu fût un peu plus grand que Piébald. Mais Korff, ainsi que les talons, savait que les talonnettes n'ont pas été inventées pour les chiens. Et il avait étudié la démarche du fiancé de Sonia Argoulian. Il le suivit donc. « J'y suis, » murmura-t-il soudain. « Mon homme a un uniforme de receveur de bateaux parisiens. Décidément, toutes les surprises, je les aurai. » Piébald, cependant, marchait maintenant à pas tranquille, sans se retourner. Ayant suivi la rue de Richelieu jusqu'à la place du Théâtre-Français, il prit la rue de l'Échelle et, par la rue de Rivoli, gagna la place de la Concorde qu'il traversa. Un tramway, Louvre-Saint-Cloud, passait. Piébald y monta, Korff prit un taxi avec lequel il suivit le tram. Piébald descendit quai de Passy et alla s'installer dans un bar où il se fit apporter des journaux. Il y resta jusqu'à la nuit. Korff, qui s'était assis dans un établissement voisin, en avait profité pour manger. Vers 7h30 du soir, alors que la nuit était complètement venue, Piébald sortit enfin du bar. Une pluie fine comme une brume tombait depuis quelques minutes, faisant se hâter les passants. Piébald, qui semblait bien rassuré, traversa le pont de Grenelle et arriva sur le quai de Javel. Il s'arrêta devant le garage des bateaux parisiens. Le quai était désert. Les petites vapeurs immobiles sur l'eau noire ressemblaient à des épaves. C'est à peine si quelques lumières perçaient les ténèbres des points rouges qui n'éclairaient que leurs environs immédiats. Le ponton où se tenait le gardien laissait à peine filtrer de faibles lueurs à travers les étroites fenêtres de la cabane édifiée sur son pont. Sans hésitation, Piébald gagna le bord du quai, mais au lieu de s'engager sur la passerelle de fer qui unissait le ponton à la berge, il sauta dans un bachot retenu par une chaîne de fer à une bouche du quai. Il tira une clé de sa poche et ouvrit le cadenas, immobilisant la chaîne. Puis, ayant emprisonné, empoigné les deux avirons dont il était muni l'embarcation, il rama doucement vers le milieu du fleuve. En quelques secondes, il eut disparu entre les bateaux mouches, immobiles autour de lui. Korf, qui s'était arrêté au bord de l'eau, ne le vit plus. « Refais encore une fois, » grommela-t-il. « Ah non, alors !» Sans hésiter, il se déshabilla. Il fit un tas de ses vêtements qu'il plaça sous la passerelle, unissant le ponton au quai. À l'abri de la pluie, et vêtu seulement de sa chemise et de son caleçon, se laissa glisser dans l'eau glacée. C'était un bon nageur. Il tira vigoureusement sa coupe dans les ténèbres, et après quelques minutes de recherche, finit par apercevoir le bachot, amarré à un des bateaux les plus éloignés du quai. Piébald n'y était plus. Décidé à aller jusqu'au bout, Korf, en se servant de la chaîne de l'annexe, grimpa à bord du bateau parisien. À peine était-il sur le pont que des chuchotements, tout proches, le firent tressaillir.